Tchikiriche, Kisi Ouzou, Sissi Koukou, Yoni Willy, sont sensibles jusqu'à l'infini. C'est comme ça qu'on fait les choses, bébé. Ouzou, dites-moi qu'est-ce qu'on fait les frères. Il caille sa mère, il fait pas beau. Voilà le réveil d'un mec de Dèche. Une bière ou deux, un peu de bédo. Et je vais dehors gratter ma pièce. Ça, c'est ma vie, gros. Mais c'est aussi celle de tes gars. Une daronne qui se casse le dos. Un grand frère qui essaye de décaler. Et y'a deux, trois potos stars qui l'ont fermé quand faut se taire. Pour des histoires de potos stars pendant que je suis sur des posters. Et rien à foutre du costard. Qu'on veut rouler en cosmère. Qu'on veut quitter ce cauchemar avec le ventre et les poches pleines. C'est pour mes DZ, mes Maliens, mes Tounsi. Mes Ivoiriens, mes Congolais qui partagent nos soucis. C'est pour mes Galsen, mes Guada, mes Madini. Pour tous les gens diminués qui meurent dans l'anonymat. À mes babtous qui partagent quand c'est pas du cochon. À tous mes potes qui mangent cachère, qui prennent le dessert à Fauchon. À ma putain de ville neuve, la carène, Valenton, les immeubles, la galère. Toujours un truc chelou, un accident, un frère mort sur le coup. Des bâtiments et pas d'issue de secours. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les sœurs. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai le caractère de grand-père et le regard de mamie. Le jour des attentes à mon frère qu'on a pleuré pour nos mamans. On y a laissé des amis, que Dieu les garde, amine ou amen. De toute façon c'est pareil quand le drame arrive. J'ai vu la mort embrasser ma sœur, lui dire je t'aime et l'emmener loin de moi. Me demande pas pourquoi j'ai besoin de boire. La mère ton pote se réveille à 5h pour le nage. Mais il dort chez toi parce qu'elle est tombée sur son tarpé. Et rien qu'on a des idées tordues. Et depuis le CPCM1 nous on est tarté. Et ça fait bien longtemps que je ne dors plus. Je les revois traiter mon frère de sale à tarder. Même si tes potes te lâchent, faut garder tes crocs de nasse. Regarde-moi aujourd'hui, je fais plus de sous que mon prof de maths. J'aurais pu finir en épave. C'est pas en regardant le caniveau qu'on atteint les étoiles. Toujours un truc chelou, un accident, un frère mort sur le coup. Des bâtiments et pas d'issue de secours. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les sœurs. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire les seuls? J'ai le cœur tellement noir, je ne sais plus quand j'ai mal. Je sais pas si elle m'aime ou si elle est vénale. La souffrance nous rend bête, on en perd les pédales. Tu te rappelles des épines, elle se rappelle des pétales. J'ai le cœur tellement noir, je ne sais plus quand j'ai mal. Je sais pas si elle m'aime ou si elle est vénale. La souffrance nous rend bête, on en perd les pédales. Tu te rappelles des épines, elle se rappelle des pétales. On est ensemble, hein, on est ensemble. On est ensemble ou pas, on est ensemble, ouais. On est ensemble, hein, on est ensemble, ouais. On est ensemble ou pas, on est ensemble, ouais. Toujours un truc chelou, un accident, un frère mort sur le coup. Des bâtiments et pas d'issue de secours. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les sœurs. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les frères, hein. Alors dites-moi qu'est-ce qu'on va faire les sœurs.